Je voulais que tu saches que je n'ai jamais voulu hausser la voix contre toi. Jamais voulu te faire de la peine. Mais des fois je suis maladroit, je crois que je t'aime trop, c'est ça. Ça me refoule qu'on s'entende pas, j'ai dû hériter de ta tête de mur, c'est ça. T'avais raison, l'autre était une pute. Elle a niqué ma vie et celle de mon Kemal. Elle était trop en rude, maintenant j'ai l'air con. Toutes ces fois on s'est déchiré pour elle, j'ai honte. Je monte tout doucement, chaque palier de mon rétablissement. Si tu savais ce que j'ai failli faire, tu montrais à la Sony pour faire couler son sang. Mais Dieu merci, j'ai des potes qui valent la prunelle de tes yeux. Ils me remontent chaque fois que je me descends. J'avoue que ça peut arranger l'opinion que j'avais du mariage comme rien. Ça a même empiré, ne me demande plus de changer. Mes plaies se sont encore plus salées depuis que mon père s'est remarié, tu sais. Pour moi c'est dur de voir tous ces millions gaspillés. Quand je sais qu'au bled coco n'a rien à manger. En plus t'es plongé dans des dettes, dans des tas de soucis. Tu maigris, t'accumules des crédits pour tous ces tas de conneries. Vous ne voyez pas le mal que vous faites. Combien vous font plaisir et style dès que finit votre grande fête. Moi je veux pas te faire ça, je t'aime trop pour ça. Ma, laisse-moi faire mes choix, qu'ils soient bons ou pas. Je suis déjà assez mal comme ça. Ils disent tous me comprendre, mais me connaissent pas. Ma, on s'entend mais on s'écoute pas. Ça me fait mal, car je sais que ça ne changera pas. Aïe maman, t'as choisi la France pour nous sauver. T'as fui la souffrance pour nous élever. T'as fait des boulots qui t'ont rabaissé pour voir tes enfants manger. Aïe maman, aujourd'hui j'embrasse tes pieds. Quand t'es déçu de moi, je suis effrayé. J'ai peur que la mort vienne te chercher. J'ai peur que tu passes plein de regrets. Aïe. Je suis né de ce peuple, comme au rien, l'aboutissement de deux êtres. Génération 80, je vais avoir du mal à vivre mon quart de siècle. Drogué aux promesses trop petit. Plus grand, plus tard, j'ai vu que les illusions faussaient souvent nos esprits. Tu sais ce qu'on dit. L'amour c'est bon et fort au début, mais je dégrade quand les familles font un mélange de trop d'abus. Man, tu m'as fait naître ici et ton cœur était là-bas. Moi j'ai grandi ici, tu voudrais me voir vivre là-bas, là-bas. Où on mélange les coutumes et religions. Où on a peur d'accepter l'autre, car c'est le contraire, nos traditions. Contradiction faite dès lors où vos mariages roulent sur l'or. Et vous avez du mal à vivre avec vos dettes. Ma, s'te plaît, ouvre les yeux. Car le proverbe ne dit pas, loin du cœur, près des yeux. Je finis par me dire qu'on vit pour l'autre, on tue pour l'autre. Mais dis-toi qu'on partira seul sans l'autre. Tant de choses que je voudrais te dire. Tant de choses que j'ai faites, dont j'ai malheureusement peur de te les dire. Ma, te voir verser des larmes. Car ça me fait autant de mal que ça ajoute trop de péché à mon âme. Tant d'exemples d'amour de votre part prématuré. Trop de cousins et cousines dégoûtés de vous avoir écouté. Les nerfs car je veux pas subir la même chose qu'eux. Les nerfs quand celle que je veux t'as pas daigné la voir. Alors quand tu me parles de famille, ceux qui cherchent le bonheur, l'intérêt qu'il y a dans tes actes, quand toi tu me parles d'honneur. Français mais comment rien, je renie pas mes origines. Mais ce qui me gêne c'est qu'on s'entête alors que tu restes mon oxygène. Aïe maman, t'as choisi la France pour nous sauver. T'as fui la souffrance pour nous élever. T'as fait des boulots qui t'ont rabaissé pour voir tes enfants manger. Aïe maman, aujourd'hui j'embrasse tes pieds. Quand t'es déçu de moi, je suis effrayé. J'ai peur que la mort vienne te chercher. J'ai peur que tu passes plein de regrets. Aïe. Aïe maman, t'as choisi la France pour nous sauver. T'as fui la souffrance pour nous élever. T'as fait des boulots qui t'ont rabaissé pour voir tes enfants manger. Aïe maman, aujourd'hui j'embrasse tes pieds. Quand t'es déçu de moi, je suis effrayé. J'ai peur que la mort vienne te chercher. J'ai peur que tu passes plein de regrets. Aïe.